Brie sur le vif. Écoutez. Nom. Passo. Prénom. Anne. Adresse. 10 rue de Courcelles, à Paris. Date et lieu de naissance. 2 décembre 1949, à Versailles. Profession. Commerçante. 2 photographies, s'il vous plaît. Voici. Ça va. Revenez demain soir. Merci, monsieur. Répétez. Nom. Passo. Prénom. Anne. Adresse. 10 rue de Courcelles, à Paris. Date et lieu de naissance. 2 décembre 1949, à Versailles. Profession. Commerçante. 2 photographies, s'il vous plaît. Voici. Ça va. Revenez demain soir. Merci, monsieur.